Je démissionne le cadet son en ville. Passe chimise en soi pour aller ouais en contibine. Mais ne vini en l'air à l'ode ou qu'à suivre lui. Monsieur a passé toute la journée qu'à prendre plaisir, qu'à prendre plaisir. Aïe Milo, Timilo. Bye.